Pour dépasser ce cycliste, je prévois un espace latéral minimum de 0,50 m, réponse A, 1 m, réponse B, 1,50 m, réponse C.